Le 7e concours culinaire consacré à la journée de la brillante étoile a eu lieu du 7 au 9 février au restaurant des Nuits de Pyongyang. Y ont pris part plus de 300 cuisiniers et serveuses de plus de 60 unités d'activité divisées en secteurs du service du peuple, du service des étrangers, des ministères, des établissements centraux, des restaurants de la ville de Pyongyang, des provinces et des villes directement subordonnées aux autorités centrales. À la clôture tenue le 9 février, ont participé les cadres et les travailleurs des secteurs intéressés. Le jury a publié le résultat de son travail et on a remis des primes.